monter la dalle en bas. Il n'y a plus de retour en arrière. Ah, moi j'ai besoin d'amour. Elle ne connaît pas de main.